La haine c'est facile à semer comme un vigile corpulent. Le mépris te revient souvent à la gueule quand tu lances derrière nos belles paroles. On est les pires capitalistes, on s'invente des vies merveilleuses pour combler les caprices d'Alice. Tendance impulsive comme Socrate, en marge de leur société secrète. On vit comme des aristocrates, les rêves de grosses valises de pèse. Le vide et moi ça va ensemble comme les foutaises et l'état. Et dans mon crâne je suis à mi-chemin entre la fournaise et l'Etna. Hey. Miskine l'héritage des gosses de Zemmour, puisse Dieu m'accorder la patience des proches de Semoun. Ces merdes me prennent de haut comme Thomas Pesquet, puis ressortent de la guerre plein de traumas fessiers. Les dessins se cassent, tu te fais traîner par l'encolure et la raison se tasse. Quand le destin vient et t'en colline, c'est la pression de classe. On entretient le choc des mondes, maman t'étonne pas. Si ton petit ange prend le démon. J'ai ouvert ma papilouche, j'ai roulé un bon pilon. J'suis parti à Capella, j'suis sûrement dans l'Opilo. J'fume la fusée Apollo, j'écris dans un mobilhome. Vu que j'ai teasé de la vovo, j'finirai bien mort pilo. J'fais pas du bénévolat, j'ai une mine patibulaire. Ici l'hiver est polaire, et l'été caniculaire. C'est le Covid et l'Ebola, le refrain qui a pris du ferme. Tout tombe à l'eau et je ne compte plus le nombre de parties que j'ai dû perdre. Du gris pour l'étalonnage, que des lumières d'halogène. Marre de faire face à l'orage et aux maladies pathogènes. Des orgies caligulaires. Des millions de particules fines, je crois qu'on nous manipule frère, comme des grosses vaches qui ruminent. On tourne le dos si tu tombes dans la drogue ou l'endettement. Elles diront que t'étais le meilleur le jour de ton enterrement. Une ambiance particulière, bienvenue dans ma ville humide. Un dernier enchaînement, ma vie n'est pas si super. Je traîne dehors et je tombe dans les limbes. J'ai pas de l'or, j'ai du plomb dans les mains. Le genre d'idée qui peut nous passer par la tête. On est d'humeur à tout graille comme des carnassiers à la diète. Je traîne dehors et je tombe dans les limbes. J'ai pas de l'or, j'ai du plomb dans les mains. Ce qui nous sépare, c'est une deuxième muraille de Chine. Une rage de pit noyée dans nuages de shit. Amoché au fond d'un troquet, je rêvais d'été à Saint-Tropez. La vérité en face, la mort de bien trop près. Ils sont pleins de mimiques, juste pour faire rentrer la thune. Moi je sors l'encre et la plume, c'est ça mon bain de minuit. Les loups s'en tapent, que le courant passe. C'est nous le fond de la classe qui s'endormait avec du wou dans le casque. Et quand je fais le tri, nos erreurs on paye le triple. Empêtré dans un Tetris, car souvent les doutes s'entassent. Tu sais l'espoir, c'est un peu ce mannequin russe. Il mélange kunk et shit et finit squelettique. Baisse pas ta vie, c'est pas un tapin de luxe. Mais y le cœur, les tripes, sans avoir peur de l'éclipse. Faudrait moins de gosses qui déraillent. Du plomb dans les cervelles, mais pas comme John Fitzgerald. Quand même, les grands Jedi n'ont jamais dominé le mal. On met du rhum qui décape dans des tailles d'eau minérale. En vrai, je m'en battais les reins de l'avenir quand je rôdais le soir. Et je passais tout mon temps à repeindre la ville en chrome et noir. Depuis que j'écris mon destin seul, j'établis plein de grosses rangs. Rien sert de sortir l'extincteur, les flammes sont bien trop grandes. Je rêve grand sans arrêt pour que ma rétine s'en sente. Seul Dieu sait que je rentre dans l'arène pour la réduire en cendre. Et même si je n'ai pas tant de regrets, je l'ai vu bien près. La presse est vive, as-tu senti le degré, celle su grimper. Ici la fourmi n'a pas de vraie chance, tu cherches quoi. Les petites paires de tours disent par la prestance du chétan. Bienvenue sur le sac côté de la rive. Je suis jeune et ambitieux, donc je me dois de croquer la rive. Refrais, je suis désolé, là je veux pas connaître l'avenir. Les taux se resserrent et le gilet jaune est à deux doigts de voter Marine. Je connais l'issue, 7h du match, je m'évanouis. Dans cette putain de forêt de bitume, les fleurs du mal s'épanouissent. Bon, bon, je traîne dehors et je tombe dans les limbes. J'ai pas de l'or, j'ai du plomb dans les mains. Tu imagines pas le genre d'idée qui peut nous passer par la tête. On est d'humeur à tout graille comme des carnassiers à la diète. Je traîne dehors et je tombe dans les limbes. J'ai pas de l'or, j'ai du plomb dans les mains. Ce qui nous sépare, c'est une deuxième muraille de Chine. Une rage de pit noyée dans nuages de shit.